الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on termine inshallah aujourd'hui l'explication du livre intitulé Al-Qawa'id al-Muthla fi sifatillah wa asma'ihi al-husna lil-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'a. Donc aujourd'hui bi'idhnillah on va terminer le livre. Et on est à la dernière partie de Al-Khatima, ce qu'on appelle donc la conclusion. Le Cheikh Rahimullah, après avoir parlé dans cette conclusion des gens qui se sont égarés et qui ont suivi certains A'imma au moment où ils n'avaient pris le chemin de la véritable voie, comme Abu al-Hassan al-Ash'ari, et on avait développé ce point-là. Et également, le Cheikh, il nous avait parlé d'un point qui était important, et qui est en réalité une question à laquelle il répond, c'est comment des gens qui ont été connus pour avoir servi cette religion par rapport à leur science et leur ijtihad, leur effort dans ce din, comment ont-ils pu tomber dans l'erreur et comment ont-ils pu tomber dans ce qu'on appelle le ta'wil, donc l'interprétation, la mauvaise interprétation des attributs d'Allah Azzawajal. Le Cheikh Rahimullah, il a répondu à cette question sous deux aspects. On avait vu le premier aspect, et donc aujourd'hui on voit le deuxième aspect, c'est-à-dire le wajh thani, et qui est la parole suivante du shir. Yaqul al-thani, yani le wajh thani, annana idha qabalna al-rijal al-ladhina ala tariq al-ash'a'ira bil-rijal al-ladhina hum ala tariq al-salaf wajadna fi hadhi al-tariqa man hum ajal wa a'zamu wa ahda wa aqwamu min al-ladhina ala tariq al-ash'a'ira. فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المطبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة. Donc il nous dit le Cheikh, pour répondre donc à cette ambiguïté, il dit le Cheikh, si on compare maintenant les gens qui ont suivi la voie des Ash'a'ira, si on les compare avec ceux qui ont suivi la voie des Salaf, il va nous dire qu'on va trouver ceux qui sont bien plus élevés en grade en ce qui concerne la science et leur place dans la religion, qui sont bien plus droits et qui sont bien plus grands que ceux qui ont été sur la voie des Ash'a'ira. Et à titre d'exemple, il nous donne le Cheikh Al-A'immatul Arba'a, c'est-à-dire donc les quatre imams, ceux qui ont leur école de jurisprudence suivie, Al-Madahib Al-Matbu'a. Il nous dit que ce soit donc l'imam Ahmed, que ce soit l'imam Malik, que ce soit l'imam Shafi'i, Abu Hanifa, Rahmatullah al-Jamir, tous ont suivi donc la voie de ceux qui les ont précédés et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne la croyance, et n'ont jamais été sur ce qu'on appelle la croyance des Ash'a'ira. Et nous dit même le Cheikh, wa idha irtaqayta ila man fawqahum min at-tabi'in lam tajidhum ala tariq al-Ash'a'ira. Il va lui dire, même si tu maintenant tu vois plus haut que al-a'imma al-arba'a, c'est-à-dire ceux qui sont venus avant eux parmi at-tabi'in, parmi donc les disciples des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire que tu ne trouveras pas parmi eux ceux qui étaient sur la voie donc des Ash'a'ira. Et il nous dit wa idha 'alawta ila 'asr as-sahabati wal khulafa al-arba'a ar-rashidin lam tajid fihim man hadha hadha wal Ash'a'ira fi asma'illahi ta'ala wa sifati wa ghayrihima mimma kharaja bihi al-Ash'a'ira 'an tariq as-salaf. Il nous dit, si tu regardes encore au-dessus d'eux, c'est-à-dire ceux qui étaient encore avant eux, parmi le temps des Sahaba, des compagnons et des quatre califes bien guidés, il ne dit jamais tu trouveras parmi eux ceux qui étaient donc sur la voie des Ash'a'ira et ceux qui ont pris donc leur chemin en ce qui concerne les noms d'Allah Azzawajal et leurs attributs. Ensuite il dit le Cheikh, wa nahnu لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم ولكن هذا لا يستلزم عصمة من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قول في كل ما قالوه ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. Il nous dit également le chien que nous ne réfutons pas qu'il y a certains savants parmi ceux qui sont affiliés au Ash'ari, c'est-à-dire au Madhab Ash'ari. On ne peut donc renier en ce qui concerne certains savants parmi eux qu'ils ont fait preuve de sincérité dans leur religion. قَدَمَ صِدْقٍ فِي الْإِسْلَامِ وَذَبِّ عَنْهُ et qu'ils ont donc défendu cette religion. وَالْعِنَايَةِ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَةً وَدِرَايَةً qu'ils ont également pris soin du livre d'Allah Azzawajal pour ce qui est bien entendu de l'étude des sciences et le fait d'apprendre ou d'enseigner les gens, également en ce qui concerne la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit donc l'étude des paroles mêmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou que ce soit donc l'étude de l'isnad, c'est-à-dire les chaînes de transmission du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ce qui est de faire apparaître le hadith authentique de celui qui est da'if. Et il nous dit également que parmi eux ceux qui étaient attachés à ce qui est favorable, à ce qui est profitable pour les musulmans et qu'ils étaient attachés donc à leur guidance. Il nous dit walakin, mais tout cela la yastalzim ismatu min al-khata. Tout cela en réalité n'implique pas donc leur infaillibilité pour ce qui est donc de l'erreur. Ils peuvent donc tomber dans l'erreur, ils sont tombés parmi eux dans l'erreur. Et cela n'implique pas également qu'on va accepter leurs paroles dans tout ce qu'ils ont dit et que rien ne nous empêche de mettre en évidence leur erreur et de réfuter ce qu'ils ont dit donc comme erreur, et cela à titre donc de mettre en évidence la vérité et de guider les gens. Et ensuite il dit le shir wala munkir aidan anna li ba'dihim qasdan hasanan fima dhahaba ilayhi wa khafiya alayhi al-haqq fihi walakin la yakfi li qabul al-qawl husn qasd qa'ilihi bal labudda an yakuna muwafiqan li shari'ati Allah 'azza wa jalla فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. Donc il nous dit le shir que nous ne renions pas également qu'il y a pour certains d'eux une bonne intention, qu'ils ont eu donc une intention, une volonté qui était bonne dans ce qu'ils ont fait, dans ce qu'ils ont dit, dans ce qu'ils ont écrit, mais que la vérité leur a été cachée, ou alors que la vérité a été cachée et qu'ils n'ont donc aperçu cette vérité et qu'ils sont tombés dans l'erreur. Et il nous dit le shir qu'il ne suffit pas pour accepter la parole que cette parole là soit issue d'une bonne intention. Il nous dit il faut qu'elle soit automatiquement en accord avec la religion d'Allah Azzawajal, avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si donc elle va au contraire de cela, il nous est donc obligé de mettre en évidence et de réfuter cette parole, qu'elle vienne de n'importe qui que ce soit. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire celui qui va faire un acte qui n'est pas en conformité avec cette affaire, qui est donc ici la religion, fawarad, c'est-à-dire mardoud, c'est-à-dire qu'elle est réfutée, qu'elle est rejetée. Donc, on ne regarde pas par rapport à la niya de la personne, c'est-à-dire à l'intention de la personne. Peut-être que cette personne elle est tombée dans l'erreur, elle est tombée dans ta'wil, elle est tombée dans l'interprétation de certains attributs d'Allah Azzawajal, et que lorsqu'elle est tombée dans cette interprétation, elle n'a pas voulu par cela tomber dans l'innovation et amener les gens dans l'erreur. Il nous dit, mais cela n'empêche pas de réfuter cette parole, c'est-à-dire la parole de cette personne-là qui a eu qasd hasan, une volonté qui était bonne à la base. Et le shir lui-même, rahimahullah, Cheikh Mohammed Al-Uthaymin, il dit, pour ce qui concerne donc les savants connus comme l'imam Al-Nawawi, comme l'imam Al-Asqalani, on sait qu'ils sont tombés dans le ta'wil dans leurs livres, que ce soit l'imam Al-Nawawi fi Sharh Al-Sahih Muslim, ou alors que ce soit l'imam Ibn Hajar Al-Asqalani fi Sharh Sahih Al-Bukhari. On sait que dans ces deux livres, ces deux les imams de l'islam, ils sont tombés dans ta'wil, ils sont tombés dans l'interprétation des attributs d'Allah Azzawajal. Il dit qu'ils ne croient pas qu'ils l'ont fait exprès, c'est-à-dire de tomber dans ces erreurs-là et d'avoir voulu par cela renier la vérité. et qu'en réalité, il faut savoir qu'à leur époque, ils étaient entourés des Ash'ari, qu'ils ont été éduqués dans ce madhab-là, donc étaient influencés fortement par ce madhab. Et que la personne, donc, comme on l'a vu auparavant, c'était dans le filwaj al-awwal, dans le premier aspect, il se peut que la personne, donc, reste sur cette erreur et qu'elle croit et qu'elle s'accroche à cela, croyant que c'est la vérité. Et donc, comme on revient à ce qu'il a dit, le shir ici, même si on voit et même si on croit que ces gens-là ne sont pas tombés dans l'erreur de manière volontaire, cela n'empêche pas que narut, c'est-à-dire qu'on refute ce qu'ils ont dit et qu'on mette en évidence leur erreur par rapport à la croyance, même si ce sont des grands imams. Et on voit que si on prend un exemple du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'événement qui était arrivé avec Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a tué un mushrik, lorsqu'il a tué donc un polythéiste, qui au moment où il a vu le sabre de Usama ibn Zayd, et lorsqu'il l'avait désarmé, lorsqu'il était à sa merci, il a prononcé shahada, il a prononcé donc la parole du tawhid. Et qu'est-ce qu'il a fait Usama ibn Zayd? Il l'a tué malgré cela. Et lorsqu'il l'a expliqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit donc son intention, c'est-à-dire qazum hasan, ici il avait une bonne intention, c'est-à-dire lorsqu'il l'a tué, il avait une bonne intention dans le sens qu'il n'a pas cru à son islam, et que lui, il a eu la certitude qu'il avait dit cela, ta'awudan min al-qatl, c'est-à-dire afin d'échapper à la mort, au moment où il était donc à la merci de Usama ibn Zayd. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répétait plusieurs fois ce fait, c'est-à-dire qu'il l'a tué alors qu'il a dit cette shahada. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré la place d'Usama ibn Zayd, il a réfuté cette erreur qu'il avait faite. Il l'a réprimandé d'une manière qui est stricte. Donc on voit ici un exemple dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ce qui est de cela. Donc, pour ce qui est de ces imams, comme l'imam An-Nawawi, l'imam Al-Asqalani, narut, c'est-à-dire que nous réfutons ce qu'ils ont dit et nous disons haut et fort que ce sont des erreurs et qu'ils sont tombés bel et bien dans le ta'wil, l'interprétation des attributs d'Allah Azzawajal. Mais cela dit, on reconnaît que c'est des imams dans l'islam et que Al-Qast, c'est-à-dire donc leur intention n'était pas donc de faire préjudice à la religion de l'islam, qu'ils ont fait cela croyant que c'était Al-Haq, croyant que c'était la vérité. Donc, ici on voit, d'après ces deux aspects que le cheikh nous a cités, pour réfuter ceux qui vont donner comme ambiguïté qu'il y a des grands imams dans l'islam, comme les imams qu'on a cités, qui sont tombés dans le ta'wil, qu'on ne les suit pas dans leur erreur. Et comme on l'a vu donc dans le premier aspect, que la véritable balance c'est la vérité, c'est pas les hommes. Et que donc, on va, par rapport à cette balance-là, on va regarder les hommes par rapport à la vérité, non la vérité par rapport aux hommes. Et donc ça c'est quelque chose qui est plus que clair. Et par là et de par cette réponse du Shia al-Hamullah, al-Ishkal, Yazoul, c'est-à-dire donc cette ambiguïté est dissipée, et il reste donc à s'accrocher au minhaj des salaf dans leur voie et dans donc leur croyance. Ensuite il dit le Shia, ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة وإلا عمل بما يستحق بسوء قصده ومخالفته. Et nous dit donc le cher ici que la personne donc qui a dit cette erreur là, s'il est connu pour être sincère dans la religion et pour être une personne qui recherche la vérité, alors à ce moment là donc on va le pardonner par rapport à lui, par rapport à ce qu'il a dit lui-même, pas par rapport bien entendu à sa parole là bien entendu, narut, c'est-à-dire qu'on la réfute. Sinon, si ce n'est pas le cas, et si on sait que la personne elle s'obstine après réellement qu'elle a connu la vérité, et que les gens de science ou autres, ceux qui sont habilités, leur ont montré en détail que leur erreur est qu'ils sont obstinés dans ce qu'ils ont fait, qu'ils ont donc une mauvaise intention, une mauvaise volonté dans cela, alors on doit donc traiter comme ils le méritent. Et donc à ce moment-là, on va voir, d'après ce que nous a dit le cheikh précédemment, à titre d'enchaînement ici, qu'une question vient se poser et qui va être la suivante, celle que va nous poser le cheikh. Et ensuite il répond: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ هَلْ تُكَفِّرُونَ أَهْلَ التَّأْوِيلِ أَوْ تُفَسِّقُونَهُمْ. C'est-à-dire, est-ce que, après avoir parlé durant tout ce livre, et après avoir réfuté les gens de l'interprétation, أَهْلُ التَّأْوِيلِ, est-ce que ces gens-là, donc c'est la question qui vient se poser, qu'il est donc la dernière des questions, le dernier des sujets ici développés par le Shir dans son livre, est-ce qu'on va donc les rendre kuffar, est-ce qu'on va les rendre mécréants, ou alors est-ce qu'on va les rendre fussar, c'est-à-dire des pervers? Ça va être la question qui va être posée par rapport à ce qu'il y a précédé concernant donc Al-Ta'wil. Et on va ici, même si le Cheikh il a rappelé des paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a développé certains points sur ce sujet. On rappelle aux frères et aux sœurs qu'on avait développé largement, en reprenant également des paroles qui sont ici présentes de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et également des paroles qui sont présentes ici donc dans ce livre même de Cheikh al-Uthaymeen, lorsqu'on avait développé les cours concernant les règles du takfir, les règles du takfir. Donc, pour ce sujet-là, on revient au cours, Inch'Allah. Durant ces cours, on a vraiment développé, on s'est élargi sur ce sujet, donc on n'y reviendra pas en détail. La réponse du Cheikh ici nous dit Qulna, al-hukmu bi-takfir wa tafsiq, laysa ilayna, bal huwa ila Allah ta'ala, wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, fa huwa min al-ahkam al-shar'iyyati allati maradduha ila al-kitab wa sunnah, fa yajibu al-tathabbut fihi ghayat al-tathabbut. فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. Il nous dit donc le Cheikh que le statut du takfir ici, ou du tafsiq, donc le fait de rendre kafir, le fait de rendre fasiq, ce n'est pas donc un jugement qui nous revient. Ce n'est pas ici un jugement qui nous revient, mais c'est un jugement qui revient à Allah et son prophète. Et donc ça fait partie, ce jugement il fait partie donc des règles et des lois de la législation, que l'on doit bien entendu remettre au livre et à la sunna. Il nous dit le Cheikh, fayajibu tathabbut fihi ghayat at-tathabbut. Cette parole qui est importante, il dit il faut donc s'assurer de manière complète ghayat at-tathabbut. Donc on doit s'assurer lorsqu'on va parler ce hukm là, il faut s'en assurer de manière totale, de manière absolue, de manière complète. Il nous dit le Cheikh, alors on ne peut à ce moment-là rendre mécréant ou rendre pervers, sauf ce que le livre et la sunna nous a indiqué comme étant donc, ou comme faisant partie du kufr, ou faisant partie donc du fisq. Également, il va nous dire le Cheikh, al-aslu fil muslim al-zahir al-adala, baqa'u islami wa baqa'u adalati hatta yatahaqqaq zawal dhalika anhu bimuqtada al-dalil al-shar'i. ولا يجوز التساهل في التكفير أو التفسيق لأن في ذلك محظورين عظيمين. Il va nous dire donc le Cheikh ici une base qui est plus qu'importante et qui est fondamentale, c'est que à l'origine le musulman dans ce qui nous apparaît al-adala wa baqa'u islami, c'est-à-dire que c'est une personne qui est juste et une personne qui est donc musulmane et dont son islam reste tant qu'on ne vient pas prouver le contraire. حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. Jusqu'à donc que l'on prouve et qu'il y a donc une concrétisation de cette dissipation, c'est-à-dire de son islam, et ceci bien entendu en revenant à ce que va impliquer une preuve de la législation. Il nous dit qu'il n'est pas permis, qu'il n'est absolument pas permis. Voilà les choses de tasahul. Il n'est donc pas permis ici de faire preuve de laxisme en ce qui concerne le takfir, le tafsir, car c'est quelque chose qui est très dangereux. C'est pour ça qu'il va nous dire le Cheikh, لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَحْظُورَيْنِ عَظِيمَيْنِ, qu'il se trouve donc à travers ce jugement deux préjudices qui sont énormes, qui sont grands, deux préjudices. Il nous dit le premier, اِفْتِرَاءُ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحُكْمِ وَلَى الْمَحْكُمُ عَلَيْهِ فِي الْوَصْفِ الَّذِي نَبَزَهُ بِهِ. C'est-à-dire donc ici, si la personne elle n'a pas été sûre de ce qu'elle a dit et qu'elle n'a pas fait ici un tahqiq complet par rapport à ce qu'elle a avancé, alors elle est tombée dans le mensonge par rapport à Allah Azza wa Jalla fil hukm. Donc pour ce qui correspond ici au jugement, et également donc vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla, et également vis-à-vis de celui qui l'a jugé, al mahkum alayh, par rapport à ce qu'il a donné. Soit il lui a dit donc que c'était un kafir, soit il lui a dit que c'était un fasiq. Donc ici, ces deux aspects, par rapport à Allah Azza wa Jal, hada iftira al-kadhib, donc il a menti, et également par rapport donc à la personne qu'il a jugée, car elle lui a fait préjudice alors qu'elle ne méritait pas cela. Al-thani ici, le deuxième préjudice, al-wuqu'u fi manabaza bihi akhahu in kana saliman minhu, fa fi sahih muslim an abdillah ibn Amr أو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما وفي رواية إن كان كما قال إلا رجعت عليه وفي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه إلا حار عليه. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين. طيب. Donc ici, pour ce qui est du deuxième préjudice, c'est que la personne, elle va tomber dans ce qu'elle-même elle a jugé. Il va nous rapporter par rapport à cela des preuves de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'authentique de l'imam muslim, d'après un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, et qui est la parole suivante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: lorsque la personne elle rend mécréant son frère, فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا وَفِي رِوَيَةٍ إِنْ كَانَ كَمَا قَالْ وَإِلَا رَجَعَتْ عَلَيْهِ. Donc la deuxième version, elle met en évidence ma'na, ou la signification de la première version, c'est-à-dire que ce jugement qu'il a fait, ici le jugement du kufr, takfir, qu'il a rendu donc son frère mécréant, si cela donc n'est pas vrai par rapport à son frère, إِنْ كَانَ كَمَا قَالْ وَإِلَّا, donc si ce n'est pas vrai, alors à ce moment-là, ce hukm-là il revient sur lui. Ce hukm-là, il va revenir sur lui, ayadam billah. Car à ce moment-là, il a jugé une personne dont il n'avait pas le droit de juger comme étant kafir. Et également dans l'autre hadith qui est rapporté par Abu Dhar, radiallahu anhu, et qui est également un hadith rapporté par les muslims dans son authentique. An al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, bil kufr. Lorsque une personne donc elle appelle une autre personne par le kufr, par la mécréance, ou qala adou Allah, ou alors qu'elle lui dit et qu'elle l'interpelle, ô ennemi d'Allah, adou Allah, وليس كذلك إلا حار عليه يعني بمعنى رجع عليه. Et donc qui lui dit ennemi d'Allah Azza wa Jal, et en réalité ce n'est pas comme cela, dans la réalité في الواقع ce n'est pas comme cela, alors ce hukm, ou alors cette parole qu'il a dit, elle revient sur lui, عياذا بالله. Donc regardez ici pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence ces hadiths qui sont min bab al-wa'id, qui sont donc une menace pour le musulman. C'est donc que la personne, lorsqu'elle va faire le hukm d'une autre personne comme étant kafir, c'est quelque chose qui est très très dangereux. Car si la personne n'est pas comme elle a été jugée, alors ce jugement va revenir à celui qui a avancé ou à celui qui a jugé. Iyadan billah. Donc regardez le danger de cela. Et celui qui craint Allah Azza wa Jal et qui connaît ce hukm dans l'islam et qui connaît donc ce statut dans l'islam, donc le fait de rendre kafir une personne, et qu'elle craint Allah Azza wa Jal, alors elle va réfléchir à plusieurs fois avant de prononcer cette parole, c'est-à-dire kafir ou alors adou Allah ennemi d'Islam, etc. Et donc le shir nous dit wa ala hadha fa yajibu qabla al hukm ala al muslim bi kufri wa fisqin an yanzura fi amrayn. C'est pour ça que le shir va nous dire à partir de là que avant de juger un musulman par le kufr ou alors par le fisq, on doit regarder, on doit observer donc deux points, on doit observer deux points. Il va nous dire le shir ahaduhuma dilalatu al-kitab aw sunnah ala an hadha al-qawla aw al-fi'la mujibun lil-kufr aw al-fisq. La première chose donc, le premier point ici, la première observation que l'on doit faire, c'est que l'on doit être sûr que le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont bel et bien indiqué, en ce qui concerne donc cette parole ou cet acte-là, ont bel et bien indiqué que cela impliquait al-kufr ou al-fisq, que cela impliquait donc la mécréance ou la perversité. Donc il faut être sûr de cela, il faut être sûr que les preuves qu'on va citer, elles indiquent bien cela, que la parole d'Allah Azza wa Jalla, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam implique bel et bien ici al-kufr ou al-fisq. C'est la première chose. Al-thani, et la deuxième chose ensuite, intibaq ou hadha al-hukm على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. Donc ici un autre point qui va être relatif à celui à qui jugement a été porté, ou celui donc qui a fait l'acte, cet acte là qui fait partie donc du kufr, du fisq. Il va dire le cheikh qu'il faut automatiquement observer les conditions du takfir haut du tafsir, et qu'il faut également observer ce qui va dissiper cela, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus la présence de ce qui peut dissiper ce jugement, c'est-à-dire ici le takfir ou le tafsir dans le droit de la personne. Et ça on l'avait expliqué pour ce qui était de la shurut, Et pour ce qui était de l'intifa al-mawani', on l'a détaillé dans les cours des règles du takfir. Donc, inshallah ou ta'ala, on mettra le lien à la fin pour ce qui est de cette série de cours, pour revenir à ce sujet-là, inshallah. Et donc, parmi ces règles, ou arfan, parmi ces shurut, donc on va simplement les citer de façon générale, il nous dit le shir an yakuna aliman bi mukhalafati allati awjabat an yakuna kafiran aw fasiqan. C'est-à-dire qu'il connaisse, qu'il ait la science de cette mukhalafa, donc de ce qu'il a fait comme étant contraire à la religion et qu'il a fait tomber donc dans le kufr ou alors l'fisq. Donc il doit savoir cela. Peut-être qu'une personne va faire un acte et il ne sait pas que cela va le rendre kafir ou alors que cela va le rendre fasiq, tayyib. Et le chef, bien entendu, il a donné des preuves par rapport à ce qu'il a cité. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle ici un point qu'on dit les gens de la science, les gens de science, la yakfur jahidul fara'id idha kana haditha ahdi bil islam hatta yatabayyana lahu. C'est-à-dire que les gens de science, ils ont dit qu'on ne peut rendre kafir celui qui va réfuter les obligations de l'islam s'il est nouveau dans l'islam, s'il n'a pas encore la science, jusqu'à qu'on le mette en évidence. Donc si une personne, elle refute des choses qui sont claires dans l'islam, alors qu'elle est nouvelle, qu'elle vient de se convertir, cette personne ne devient pas kafir par rapport à cette règle-là. Également, il nous dit le shir, ومن المواني, ce qui va donc empêcher que l'on applique le jugement sur cette personne-là, le hukm donc, que ce soit du kufr ou du fisq. Il nous dit donc, à titre d'exemple, ce qu'on avait également développé en détail dans les cours des règles du takfir, an yukra ala dhalik, c'est-à-dire qu'on le contraint à faire une chose, cette chose qui implique le kufr, ou alors cette parole qui implique le kufr. Parmi également les choses que le shir il a cité, lorsque la réflexion ou la pensée de la personne elle est saturée, donc à un moment bien précis, que ce soit à titre d'exemple lorsque la personne elle est, comme on dit, folle de joie, ou alors qu'elle est tombée dans une tristesse absolue, etc., et qu'elle va dire des choses, elle ne s'en rend pas compte de ce qu'elle va dire. Il nous avait donné le shir à titre d'exemple ce qui est authentifié dans la sunna, d'après l'authentique de l'imam muslim, min hadith Anas ibn Malik, lorsque la personne, bien entendu, et tout le monde connaît ce hadith, on l'avait déjà cité, lorsque la personne elle a perdu donc sa monture, où il y avait donc ses vivres en plein désert, et qu'au moment où elle se réveille, elle retrouve cette monture auprès de lui, et donc elle avait dit cette parole, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, c'est-à-dire, ô mon Seigneur, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Il a dit cela, bien entendu, akhta'a min shiddatil farah, il l'a dit donc à cause de sa joie qui était immense. Donc on voit ici que sa pensée et que sa réflexion ont été complètement saturées à ce moment-là, qu'il ne sait plus donc ce qu'il a dit. Ça, c'est à titre d'exemple. Et encore, ce qu'on avait cité dans les règles. Également, le shir va rapporter donc à partir de là des paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah concernant cette parole, concernant cette question-là. Ces paroles de Cheikh al-Islam, on les avait déjà expliquées dans les règles du takfir. Simplement, il va nous rappeler le shir, si on le rappelle donc, pour insister sur ce hadith, qui est un hadith qui est important, lorsque la personne réellement est à ammal, lorsqu'elle réfléchit sur ce hadith. Hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, également l'imam muslim. Et qu'un hadith également que beaucoup de personnes connaissent, lorsqu'une personne a oussa, c'est-à-dire qu'elle a demandé, lorsqu'il mourira, qu'on le brûle, et qu'ensuite ses cendres, on les répartisse dans la mer. Croyant donc qu'Allah Azzawajal n'aurait pas la possibilité ou il n'aurait pas la capacité de le rendre à la vie et donc de le juger et donc de le ressusciter. Bien entendu, khawfan min al-adab, c'est-à-dire de peur du adab. C'est pour ça que lorsqu'Allah Azzawajal va lui demander qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela, il va dire khashyat, c'est-à-dire la peur, faghfir lahu ou faghfir lahu. Et donc Allah Azzawajal lui a pardonné par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il va dire le shir ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah? Ça fait partie des paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah que le shir ici il rapporte, qu'il cite. Il dit فَهَذَا رَجُلْ شَكَّ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ وَفِي إِعَادَتِ إِذَا ذَرَبَ الْيَعْتَقَدَ أَنَّهُ لَا يُعَادْ وَهَذَا كُفْرٌ بِاتِّفَاقَ الْمُسْلِمِينَ لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم Aula bil maghfirati min mithli hadha. Donc il nous dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, en rappelant ce hadith rapporté par le prophète concernant donc l'homme qui avait demandé à ses enfants qu'on le brûle et qu'on répartisse ses cendres ses cendres dans la mer lorsqu'il, pour qu'Allah Azzawajal ne le ressuscite pas. Il a dit, cette personne, elle a douté sur la capacité d'Allah Azzawajal et sur le fait qu'Allah Azzawajal donc va le ressusciter. Et il nous dit, wa hadha kufr bittifaq al-muslimin. Et ça donc, c'est la mécréance pure, d'après le consensus des musulmans. Celui donc qui va douter sur la capacité d'Allah Azzawajal de ressusciter les morts, suivant leur état. Il nous dit, lakin kana jahilan la ya'lamu dhalik. Mais ici, c'est min bab al-jahl, c'est-à-dire d'ignorance. C'est min bab al-jahl, c'est-à-dire de l'ignorance. Pourquoi? Parce que c'est une personne en réalité qui était croyant et qui avait peur d'Allah Azzawajal et de son iqab et donc de son châtiment. Donc à partir de là, Allah Azzawajal lui a pardonné. Alors qu'il a eu donc ce doute dans la croyance. Le doute fi qudratillah, dans la puissance d'Allah Azzawajal, dans la capacité d'Allah Azzawajal. Il va donc dire ensuite le Cheikh al-Islam ici, wala wa shahid, il dit wal muta'awwil min ahli l'ijtihad. C'est-à-dire celui qui est tombé dans l'interprétation, parmi les gens donc de l'ijtihad, ceux qui font partie des gens de l'ijtihad, qui font partie des gens qui ont la capacité de faire l'effort d'interprétation concernant la religion. Al-Haris ala mutaba'ati ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'accroche donc à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avoir un suivi précis de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il est plus en droit de al-maghfira, il est plus en droit du pardon d'Allah azawajal que cette personne-là, mimithli hada, que cette personne-là qui a elle complètement douter dans la capacité d'Allah Azzawajal de le ressusciter. Donc on voit également ici l'importance de bien faire attention et de ne pas donc tomber dans mas'alat al-takfir ou tafsiq sans preuve donc et sans science. Ayadan billah. Et donc c'est par là qu'on va terminer l'explication et la traduction du livre du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah dans son livre Al-Qawaid al-Muthla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna. Et donc on finit cette explication le vendredi 28 Rabi al-Thani, qui correspond au 24 avril 2009, donc le Rabi al-Thani 1430 de l'Hégire, et qui correspond donc au vendredi 24 avril 2009. Et il dit le cheikh donc en conclusion de son livre, فَنَسَأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ رَأَى الْحَقَّ حَقًّا وَاتَّبَعَ وَرَأَى الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاجْتَنَبَ وَأَنْ يَجْعَلَنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ وَالصُّلَحَاءَ مُصْلِحِينَ وَأَنْ لَا يُزِيغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا وَيَهَبْ لَنَا مِنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ الْوَهَّابُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى الصراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك